Chérie, chérie, c'est Bruno. S'il te plaît, réponds. Réponds-moi. Allô? Salut, c'est Kéra. Je suis pas disponible. Laisse-moi un message.